les souvenirs coulent à flot, les larmes et les regrets aussi. Tout cela ruisselle comme un flot sous les filles, le perle de la pluie. Le vent qui souffle sur nous deux, emporté loin de moi, le regard de tes yeux, de tes yeux. Dans toutes les feuilles que l'automne emporte, ma vie et mon espérance sont mortes. L'existence que je vis pendant une heure est pareille à un jardin sans fleurs. Et ma joie de vivre aux couleurs de l'été, pour toujours y avec toi, sans que le temps.